Cette fois, Sylvinet manqua à mourir le premier jour. Mais le second, il fut plus tranquille. Et le troisième, la fièvre le quitta. Il prit de la résignation d'abord, et de la résolution ensuite. Et, au bout de la première semaine, on reconnut que l'absence de son frère lui valait mieux que sa présence. Il trouvait, dans le raisonnement, sa jalousie lui faisait en secret un motif pour être quasi satisfait du départ de Landry. Au moins, se disait-il, dans l'endroit où il va, où il ne connaît personne, il ne fera pas tout de suite de nouvelles amitiés. Il s'ennuiera un peu, il pensera à moi et me regrettera. Et quand il reviendra, il m'aimera davantage. Il y avait déjà 3 mois que Landry était absent, et environ 1 an que la petite Fadette avait quitté le pays, lorsqu'elle y revint tout d'un coup, parce que sa grand-mère était tombée en paralysie. 3 jours après, ayant conduit au cimetière le corps de la pauvre vieille, ayant rangé la maison, déshabillé et couché son frère, et embrassé sa bonne marraine, qui s'était retirée pour dormir dans l'autre chambre, la petite Fadette était assise bien tristement devant son petit feu, qui n'envoyait guère de clarté, et elle écoutait chanter le grelet de sa cheminée qui semblait lui dire « Grelet, grelet, petit grelet, toute Fadette a son fadet ». La pluie tombait et grésillait sur le vitrage, et Fanchon pensait à son amoureux lorsqu'on frappa à la porte, et une voix lui dit « Fanchon Fadet, êtes-vous là? Me reconnaissez-vous ?» Elle ne fut point engourdie pour aller ouvrir, et grande fut sa joie en se laissant serrer sur le cœur de son ami Landry. Ils passèrent donc toute la nuit à causer au coin du feu, bien sérieusement et bien sagement, car la petite Fadette rappelait à Landry que le lit où sa grand-mère avait rendu l'âme était à peine refroidi, et que ce n'était l'heure ni l'endroit pour s'oublier dans le bonheur. Mais, malgré leur bonne résolution, ils sentirent bien heureux d'être ensemble et de voir qu'ils s'aimaient plus qu'ils ne s'étaient jamais aimés. Comme le jour approchait, Landry commença pourtant à perdre courage. Il priait Fanchon de le cacher dans son grenier pour qu'il pût encore la voir la nuit suivante. Mais, comme toujours, elle le ramena à la raison. Elle lui fit entendre qu'il n'était plus séparé pour longtemps, car elle était résolue à rester au pays. « J'ai pour cela, lui dit-elle, des raisons que je te ferai connaître plus tard et qui ne nuiront pas à l'espérance que j'ai de notre mariage. Va achever le travail que ton maître t'a confié. Il est utile à la guérison de ton frère qui ne te voit pas encore de quelque temps. » « Il n'y a que cette raison-là qui puisse me décider à te quitter, » répondit Landry, « car mon pauvre Besson m'a causé bien des peines, et je crains qu'il ne m'en cause encore. Toi qui es si savante, Fanchonnette, tu devrais bien trouver un moyen de le guérir. » « Je n'en connais pas d'autre que le raisonnement, » répondit-elle, « car c'est son esprit qui rend son corps malade, et qui pourrait guérir l'un, guérirait l'autre. Mais il a tant d'aversion pour moi que je n'aurai jamais l'occasion de lui parler et de lui donner des consultations. Et pourtant, tu as tant d'esprit, Fadette, tu parles si bien, tu as un don si particulier pour persuader ce que tu veux, quand tu en prends la peine, que si tu lui parlais seulement 1 heure, il en ressentirait l'effet. Et c'est le, je te le demande. Ne te rebute pas de sa fierté et de sa mauvaise humeur. Oblige-le à t'écouter. Fais cet effort-là pour moi, ma Fanchon, et pour la réussite de nos amours aussi, car l'opposition de mon père ne sera pas le plus petit de nos empêchements. » Fanchon promit, et ils se quittèrent après s'être répété plus de 200 fois qu'ils s'aimaient et s'aimeraient toujours.